Maraude et maraudeur aux odeurs de sa pêtre, aux puanteurs de soufre, richards aux combines sibyllines, tricards et triches de ping-pong phénix, affûtés des solstices et des antipodes factices, milord diplodocus et dollars instantanés, les électrochocs de choc et les rasades d'alcool et le benzole dans les lacs de pétrole, étalés sur la mer des mystères opaques, et gangsters, l'arme au poing, et des péplums sauvages, sur les plages paradigmes de paradis, huppés, futés, azimutés. Sont-ils enfuis, ces petits et jolis, les ringards VIP, aux crochets de vipères, au venin de constrictor qui crache soudain se pèse et cet or planqué au soleil, cactus, palmier, vodka, à ta santé, belle inhumée, si bien soignée dans les îlots de grouillot aux panses à secouer, il faudra bien crever le sac à finance de la sale engeance des nantis véreux. Donnez, donnez encore, petits pigeons et miséreux. Il y a des heureux, mais si peureux, si frileux, qui font la ronde autour du monde en jonglant les stocks et les actions. Meilleure option. Charmant touriste de la jet set, abeille butinant le miel des îles Vierges ou Caïmans, de Panama au cormoran, et l'îlot Cook escale à Singapour, et sans compter Jersey et Luxembourg, et notre cher Albion qui loge pour Paréron les nababs et les toubabs venus jouer leurs gains, écumer les roulettes aux dépens des crétins qui se croient citoyens. Vite, vite, c'est quand le le parachute doré. Courons, courons avec le larcin des peuples vers le prochain refuge en apesanteur. Off, off la planète vers une comète transfuge, un astéroïde en orbite, une mine d'uranium autour de la Terre dévastée.